Alors, pour essayer de lutter contre ce sentiment de bizarre, je vais reprendre trois exemples tout à fait canoniques, des pièces tout à fait canoniques que vous connaissez tous, pour les voir sous un genre, j'espère, un petit peu différent. Alors, je vais développer un peu plus la première. C'est la première tragédie conservée de la culture occidentale, les Perses d'Échine, qui est un exemple emblématique du genre, et je vais aller beaucoup plus vite sur les deux suivants qui seront empruntés à l'Andromaque de Racine et au Macbeth de Shakespeare. Alors, avant de commencer, je devrais dire d'ailleurs que ma réflexion est partie en fait de la peinture et que pour être complet, je devrais parler que ce sont des questions qui reviennent en peinture. Malheureusement, on n'en a pas le temps, donc je censurerai tout à fait cet aspect des choses. Mais j'en ai parlé et j'ai écrit des choses par ailleurs là-dessus, donc manque qui peut être comblé. Donc je partirai tout bêtement d'Aristote et de la place problématique du spectacle dans la poétique d'Aristote, ce que j'appellerais le paradoxe de l'opsis. L'opsis, vous savez que c'est le terme qui désigne à la fois le spectacle, la représentation matérielle, et en même temps c'est le mot qui désigne la vision, ou un des mots qui désigne la vision. Donc ce paradoxe tient au fait que l'opsis, spectacle et vision au théâtre, et fait appel à la part, et appartient la part matérielle, absolument indigne de l'opération du poète dramatique. L'opsis est l'objet du skeopoios, du fabricant de masques, donc d'un individu, d'une activité servile, et parfaitement négligeable ou méprisable. Mais cette activité servile et méprisable en tant que telle joue un rôle éclatant dans ce qui fait l'objectif essentiel du théâtre, c'est-à-dire la catharsis. Alors, certes, Aristote dit que la catharsis la meilleure est obtenue par le seul agencement des faits, en gros par l'article. Mais il reconnaît que le spectacle, tout ce qui est élément visuel et matériel de la représentation, est ce qui en fait agit le plus fortement sur les passions, donc sur l'objectif premier du théâtre. Donc, si l'agencement des faits a une qualité supérieure, le spectacle est quantitativement beaucoup plus efficace. D'où le paradoxe d'une opsis ou d'une réalisation visuelle qui est à la fois absolument stratégique et totalement indigne. Indigne de ce qui fait l'objet même du poéticien et qui est l'art théâtral dans sa majesté toute verbale. Donc, cette ambivalence envers le spectacle, mais ça tout le monde le sait, se retrouve à travers toute l'histoire du théâtre européen. Quelles que soient les normes, même dans les dramaturgies qui admettent, comme en Angleterre, le primat de l'action scénique sur l'action du verbe et du récit, on retrouve la même tension entre deux propensions contradictoires du théâtre et des dramaturges. D'une part, la recherche d'effets frappants, les striking effects des Élisabéthains, nécessaires pour dompter et capter un public turbulent. D'autre part, la crainte d'un débordement, la crainte que ça va dériver, ça va échapper à la maîtrise des dramaturges, voire des acteurs, et à surtout du dédain des hommes pour ce qu'ils considèrent comme des concessions faites au goût impur de la populace. Alors, cette ambivalence, bien sûr, ne concerne pas seulement le théâtre, mais tous les arts du visible, mais je vais me contenter du théâtre. Donc, on aboutit à travers des dramaturgies très différentes, à des solutions de compromis. D'une part, il s'agit de répondre à la demande spectaculaire du public. D'autre part, il s'agit d'éviter de satisfaire des pulsions voyeuristes, de tomber dans cette matérialité abjecte, ou sinon abjecte, du moins indigne. Alors, ce compromis consiste à chercher des moments d'intensité spectaculaire, mais à condition qu'ils soient subtilement pervertis. C'est-à-dire qu'ils ne comblent pas un désir trop manifestement voyeur, tout en satisfaisant, la pulsion scopique sans laquelle il n'y a pas de théâtre. Bref, il s'agit de manipuler les attentes du public en frustrant son désir de spectacle pour le satisfaire toujours d'une façon qui sera déplacée et altérée, retardée en particulier. Alors, je vais prendre d'abord un peu plus longuement l'exemple paradigmatique, qui est celui des Perses. Alors, je vous rappelle très brièvement, vous savez que ça commence par un cœur de vieillard perse qui attend anxieusement l'arrivée, le retour du Xerxès et d'une armée qui sont qualifiées d'armée terrifiante, tellement terrifiante qu'on ne peut pas en supporter la vue, une armée invisible par sa puissance terrifiante et l'éclat de son or. Et Xerxès et son armée ne reviennent. Survient un messager qui raconte le désastre de Salamine, mais le messager apprend que Xerxès n'a pas péri à Salamine et qu'il est sur le chemin de retour. Alors, Xerxès, je passe le détail, il y a des choses qui se produisent, mais ça ne m'intéresse pas ici. Xerxès finira par arriver, mais in extremis, quand on ne l'attend plus, au milieu de l'exodus, c'est-à-dire la partie où le cœur se retire, et c'est une apparition, enfin, il y a des événements assez intéressants qui se produisent autour de Xerxès. Alors, globalement, on a affaire à une tragédie sans action, tous les commentaires disent qu'il ne se passe rien, pas d'action, tout s'est fait avant, Salamine a eu lieu avant que la pièce ne commence, et pourtant il y a un suspens, cette tragédie est fondée sur un suspens discret. D'abord, elle s'ouvre sur une attente qui sera nécessairement déçue. On sait très bien que la scène grecque n'admet pas plus de deux acteurs, donc une armée terrifiante ne sera jamais visible. Mais elle est d'autant plus déçue qu'on raconte qu'elle a été anéantie, mais à peine déçue, là, l'attente est relancée pour être comblée par l'arrivée tardive de Xerxès, à un moment où on n'y croyait plus. Alors, ce jeu avec le suspens est redoublé d'un jeu avec le visible, puisque la pièce ne cesse de convoquer des objets à la fois extrêmement voyants et impossibles à voir. Ça commence avec le spectacle impossible de l'armée terrifiante d'un côté, dont on s'élève dans la puissance au départ, et le spectacle impossible du désastre absolu qu'est l'écrasement à Salamine. Alors, à défaut de spectacle, bien sûr, la tragédie recourt au récit, à sa puissance d'énargéia, à ses détails frappants, donc c'est un déplacement normal. La tragédie, c'est l'œuvre du verbe, elle est là pour raconter le désastre et dire le deuil. Pourtant, la tragédie trouve le moyen de montrer finalement, et même ce qui n'est pas montrable. Quand Xerxès arrive, il commence par un long commos pathétique, intensément pathétique, litanie des noms des morts. Le commos est une partie chantée, je vous le rappelle. Et puis, il invite le cœur à voir le reste de son armée. C'est un moment très fugitif et très mince, je pourrais le lire, peut-être en traduction ça sera mieux. Tu vois tout ce qui reste des forces que j'avais levées, je vois, avec ce réceptacle de à flèche, que dis-tu, qu'as-tu sauvé encore, une réserve de traits, bien peu sur des milliers, etc. Nous voici sans défenseur. Donc quelques vers à peine, obsédé par le verbe voir, Horace dit. Xerxès, tu vois, le cœur psalmodie, oh, je vois. Alors qu'est-ce qu'il voit? Déjà, c'est un mini coup de théâtre, et plus exactement un coup de théâtre dans le coup de théâtre, puisque premier coup de théâtre, l'arrivée tardive de Xerxès, qu'on attendait plus, est une surprise. Mais deuxième coup de théâtre, Xerxès donne à voir une armée engloutie par l'ostension de ce qu'il présente comme des reliques gaïques. Il dit Horace Tolloïpon, tu vois le reste de mes bataillons, Stolas. Donc, le dialogue est très mince, il n'a d'ailleurs pas du tout attiré l'attention des critiques, puisque c'est quelques vers de rien du tout, et c'est l'ostension d'une relique guerrière qui est misérable. Un carquois, quelques flèches. Pourtant, l'engloutissement de l'armée se concrétise dans cet objet dérisoire qui donne une forme, si pauvre soit-elle, du moins palpable, au désastre, à la ruine et au deuil. Donc, par cette ostension ambiguë, la tragédie donne à voir contre toute attente quelque chose qui est un spectacle outrageusement décevant, mais qui comble in extremis, puisque ça satisfait une attente qui avait été ouverte au début, pour décevoir, puisque ça montre un objet totalement indigne. Donc, spectacle suprêmement paradoxal qui entretient satisfaction et frustration pour traduire efficacement l'anéantissement. Et je n'ai pas le temps d'insister sur le détail du texte, mais c'est très, tout est dit en quelques mots. Alors, pour une tragédie sans action, il ne se passe rien, les Perses manifestent au moins l'art du suspens qui est étonnamment efficace et qui repose sur une manipulation en trois temps. Premier temps, la pièce programme une privation nécessaire, elle annonce ce qui de toute façon ne peut pas être vu, l'armée terrifiante. L'armée terrifiante d'une part, ensuite le spectacle pitoyable de son écrasement. Donc, cette double frustration est imposée par les contraintes dramatiques. Le spectateur sait bien qu'il ne pourra pas voir ces objets-là. Ils sont anti-théâtraux intrinsèquement. Deuxième temps de la manipulation, la pièce comble l'attente sur deux temps. D'abord, Xerxès revient, ça comble une attente réelle. On avait dit qu'il était sur le chemin des retards, du retour. Il ne vient toujours pas, mais quand tout le monde part, il arrive. Donc l'attente est comblée. Ensuite, deuxième attente comblée, il exhibe un carquois qui comble l'attente impossible. L'armée n'était pas montrable et elle est pourtant montrée. Tolloïpon tas et emoustolas. C'est le reste de mes bataillons. Il y a un jeu de mots d'ailleurs, parce que cela c'est aussi référence aux vêtements du roi, du grand roi qui est entré en Hagnon. Mais je n'insiste pas, je ne fais que survoler cette pièce qui est beaucoup plus riche que je ne pourrais le dire aujourd'hui. Donc, le carquois comble une attente impossible en donnant à voir ce qui était a priori sa montre. Mais il y a un troisième temps dans cette manipulation, puisque le spectacle inespéré de cette armée terrifiante réduite à presque rien est frustrant, mais d'une frustration pleinement signifiante, puisque l'objet n'est pas de montrer la grandeur terrible d'une armée que rien ne pourra défaire, mais là où il y avait puissance, éclat et éclat de l'or, la thématique de l'or est constante dans la pièce, il n'y a plus que gîte, mort et ruine. Xerxès exhibe un objet qui, dans sa pauvreté radicale, incarne assez parfaitement, je dirais, le manque à voir d'une armée qui est passée d'un statut de vision impossible à un autre statut de vision impossible. Autrefois insoutenable par sa puissance dorée, l'éclat, et il y a toujours des associations entre le pouvoir perse et le soleil. L'armée est tellement couverte d'or qu'on ne peut pas la regarder comme on ne peut pas regarder le soleil en face. Et donc, première vision impossible, elle est trop brillante pour qu'on soutienne cette vue, elle passe à un autre statut de vision impossible, elle est engloutie dans le néant. Donc la force des Perses, c'est de pratiquer une véritable esthétique de la déception, et c'est un effet tout à fait concerné, qui revient dans d'autres aspects, en particulier la pièce des Glocs, qui est un rituel de Perse, typiquement Perse de la proscunésis. La salutation du grand roi en tant qu'on ne peut pas en soutenir la vue et fait disparaître au long de la tragédie les scènes de proscunésis. La proscunésis se résorbe sous nos yeux. Donc, c'est une tragédie très cohérente dans ses stratégies de déception de l'attente spectaculaire. Alors, à quoi sert une telle esthétique de la déception? Deux réponses possibles. Une raison négative. Un spectacle pauvre ou dérisoire, c'est le meilleur moyen de se prémunir contre le risque de ratage, contre la peur de ne pas être à la hauteur de son objet. C'est d'ailleurs une raison qui revient très constamment dans les discours des dramaturges, même il y a des exemples à travers les siècles. Deuxième raison, beaucoup plus forte, et c'est la force des Perses, que de retourner la raison négative en une raison positive bien plus forte. L'ostension du carquois dit la force d'anéantissement de la guerre et la folie du chef. Donc, en mettant en œuvre cette stratégie de déception du visible, la tragédie dit la fragilité de ce qui n'éblouit que pour disparaître. Et il y a naturellement dessous des visées politiques, puisque c'est le pouvoir perse, la Grèce règle ses comptes avec un pouvoir perse défini par justement l'excès de visibilité. Mais la tragédie dit la fragilité de ce qui est tellement éblouissant et terrifiant qu'il ne peut que disparaître. Du coup, le dramaturge retourne des limitations imposées par le dispositif théâtral à son avantage. Il trouve dans l'appauvrissement délibéré du spectacle un moyen plus frappant de révéler au cœur du pouvoir perse, au cœur de l'arrogance impériale du grand roi, une sorte de vigilance du néant. Le grand roi était promis à sa perte, ce qui, dans la situation d'Athènes, mais je n'ai pas le temps de le dire, est tout à fait stratégique. Ça tient en même temps, cette stratégie théâtrale, ça tient un discours politique tout à fait vital, mais je laisse encore de côté. Alors, pour vous montrer que ça n'est pas du tout un appât, je vais prendre plus rapidement deux exemples. Le premier, c'est l'exemple d'une tragédie française dite classique, qui est soumise aux mêmes contraintes que la tragédie grecque. Pas de foule, pas de violence, surtout de violence sanglante. Pas étonnant par conséquent que Racine, puisqu'il s'agit d'Andromaque, apprenne à manipuler lui aussi les attentes du spectateur. Alors, comme vous savez, la tragédie fait assister à la préparation d'un événement dont le spectateur sait bien qu'il ne sera jamais sur scène, le meurtre de Pyrrhus par Orestes à l'instigation d'Hermione, et pourtant ce spectacle a tout pour être éclatant. C'est un meurtre qui cumule toutes les transgressions, un régicide, une trahison, une profanation du temple souillé par le sang, un mariage inversé en sacrifice, etc. Donc, spectacle hautement convoitable et pourtant impossible. Ne vient donc qu'un récit au début de l'acte 5, acte 5, scène 3, c'est le célèbre récit d'Orestes fait à Hermione pour rendre compte de sa mission. Et le récit conforme aux théories de l'abbé d'Aubignac, qui, en toute orthodoxie aristotélicienne, dit que l'action doit primer sur le récit, et d'Aubignac conclut que parler, c'est agir. Et de fait, le récit d'Andromaque est l'exemple parfait, puisque le récit d'Oreste, qui est un récit tout à fait dans la norme, agit très violemment sur son auditrice et provoque les imprécations brutales d'Hermione, qui dit avoir commandité le meurtre, et sort en fureur. Tout se précipite, on apprend 15 vers plus tard seulement que Hermione s'est tuée sur le corps de Pyrrhus, et tout aboutit au très célèbre fureur d'Oreste. Alors, le spectateur a été frustré de ces représentations qui avait tout pour lui plaire, mais qui était impossible. Il est frustré de ces scènes frénétiques qui se multiplient, meurtre désordonné au temple, suicide frénétique d'Hermione, etc. Mais Racine compense tout par une non seulement par un récit qui se transforme en scène d'action, le récit d'Orelsan, mais surtout par une scène de fureur qui rejoue le meurtre. Comme Eschyle faisait suivre le récit de Salamine par l'ostension d'une relique, Racine fait suivre le récit du meurtre par un spectacle qui le rejoue pleinement. En effet, les fureurs d'Oreste permettent d'assister in extremis à la confrontation sanglante. Dans son délire, Oreste affronte Pyrrhus puis Hermione. Alors le spectateur n'a nécessairement qu'une vision partielle, mais il voit Oreste agitant violemment l'épée pour transpercer un ennemi invisible, et il fait une chose qu'on ne fait pas sur une scène de théâtre classique, il agite effectivement une épée qui est là. Donc violence sanglante interdite se trouve à moitié visible, mêlée à un érotisme passablement débridé, puisque Oreste voit avec Pyrrhus et Hermione trempant dans le bain de leur sang et mourant en échangeant des regards qui sont chargés d'autant de désir sans doute que de haine. Alors, le dispositif est finalement assez analogue à celui des Perses. Un spectacle est éludé de meurtre, mais donné in extremis sous une forme altérée. Donc, ce qu'on ne pouvait pas, ce qu'on ne peut à aucun prix donner à voir, on le donne à voir sans voir, en gagnant sur tous les tableaux. On satisfait partiellement au moins la pulsion scopique du spectateur, mais sans la gratifier totalement, puisque le spectacle s'adresse davantage à l'intelligence du spectateur qu'à son œil, et ça présente au moins un triple avantage. D'abord, on se prémunit contre le risque de faire rire au lieu d'effrayer. C'est un risque d'ailleurs qui a été longuement théorisé. Un des premiers traitements entier, c'est Lodovico Castelvetro dans son commentaire de la poétique d'Aristote, traduction et commentaire, en 1570. Donc, la scène se prémunit contre le risque de trahison comique. Elle a le mérite en plus de renforcer la dynamique dramatique. On déjoue les attentes du spectateur, mais pour faire rebondir l'intérêt en accordant une gratification inespérée. Enfin, on dépasse les limites imposées par les règles en mettant en scène le sang et le désir, et on les met en scène avec usure. Racine transgresse ouvertement les plus redoutables interdits de la dramaturgie qui s'impose à lui. Pour le comprendre, il suffit d'ailleurs, mais je n'en ai pas le temps, de comparer ce que fait Racine à ce que font ces adaptateurs anglais, qui ne sont pas tous limités par l'interdiction de l'action. Et il y en a un qui met en scène le meurtre, qui s'appelle John Crown, moins de 10 ans après Andromaque, Andromaque de 1775, et le meurtre est en scène au prix de redondance. Oreste est réduit à la position de commentateur sportif, parce que dans cette scène en concret, on ne voit rien, donc il faut bien que quelqu'un raconte ce qui se passe. Moyennant quoi, Oreste se retrouve obligé de raconter à nouveau à Hermione ce que tout le monde a vu et sait déjà, ce qui affaiblit complètement la mécanique dramatique. Alors, cette stratégie est assez avantageuse pour qu'on y recourt également, même quand on n'est pas du tout contraint d'éviter la représentation scénique. C'est le cas de Macbeth qui répond à un dispositif curieusement analogue. Alors je vais aller vite. Vous savez bien que dans Macbeth, il y a une scène de violence transgressive maximale. C'est l'assassinat du roi Duncan qui cumule là aussi les transgressions. C'est le roi, c'est un homme juste, c'est un vieillard sans défense, c'est l'hôte de Macbeth, c'est l'ami de Macbeth, donc c'est la totale en quelque sorte. On ne pourrait pas aller plus loin. Et voyant quoi, la scène est reléguée en coulisses. Acte 2, scène 2, on ne voit que Lady Macbeth arpentant la scène anxieusement, saisissant les moindres échos, le cri d'une chouette, des bruits, un mot dans la nuit, etc. Ce ne sont pas les règles qui interdisent, qui censurent la scène. C'est bien le dramaturge qui refuse au spectateur ce qu'il pourrait montrer, puisqu'on assiste dans la pièce à d'autres meurtres. Celui de Bancourt, le meurtre plus horrible du fils de Murtoff, donc ce ne sont pas les meurtres visibles qui manquent. Pourquoi donc le dramaturge impose-t-il cette frustration? On peut penser à quatre hypothèses. La première est en fait ne tient pas, ça serait la prudence, éviter la boucherie et le ridicule. Mais le Protocine va faire rire juste après cette scène effroyable. Et quant à la boucherie, on sait très bien que les acteurs élisabéthains sont les meilleurs clients des bouchers du South Bank. Deuxième raison donc, donner à la scène une résonance extrême, une vision simplement imaginée plus efficace que la réalisation concrète, et la preuve c'est qu'on suit la scène à travers l'anxiété de Lady Macbeth qui amplifie le moindre. Troisième raison, solliciter l'imagination, c'est un moyen de souligner que l'horreur tient moins à la réalité concrète, après tout, un meurtre c'est un peu de sang, que à ce qu'elle signifie cette réalité concrète. En ne voyant rien, on est mieux à même de suivre la métamorphose d'un acte qui, aussitôt qu'il est commis, prend des proportions terrifiantes. Dès qu'il revient à la scène 3, Macbeth est frappé par le sentiment de sa damnation. Donc le meurtre est moins un acte forcément un peu dérisoire qu'un processus en cours et qui, de fait, dans tout le reste, investit tout l'horizon des deux protagonistes et de meurtriers, le couple infernal, et enclenche une politique du pire qui va mener les deux meurtriers à leur perte. Troisième raison effective, c'est une raison d'efficacité dramatique. Le dramaturge réduit le crime à quelques traces, un cri de chouette dans la nuit, un appel. Du coup, ce crime réduit à des traces, dématérialisé, peut revenir, hanter l'esprit du couple meurtrier et surtout susciter une série d'échos infimes qui attestent que le crime gouverne obscurément les événements, détermine la suite des événements. Et ces échos culminent dans la très célèbre scène du somnambulisme qui ouvre l'acte 1, c'est la dernière apparition sur scène de Lady Macbeth. Vous vous souvenez, devant un médecin et une dame de compagnie, Lady Macbeth profère des paroles incohérentes, mais il est facile de comprendre qu'elle revit le meurtre initial. On ne voit rien, donc pas question de gratifier un désir spectaculaire. Même la tâche invisible qu'elle s'efforce de faire disparaître est invisible, d'abord parce que le spectateur est trop loin pour voir quoi que ce soit, mais aussi probablement parce que cette tâche est hallucinatoire, preuve que le meurtre a changé de statut, que le meurtre est moins un crime qu'une faute sans rédemption possible. Donc, la scène de meurtre se répète, mais pas pour montrer plus ou mieux, pas pour assouvir un désir spectaculaire, mais pour prouver que le crime accède à sa condition fantomatique. Une condition qui lui permet de hanter les coupables jusqu'à leur fin et de les poursuivre jusqu'à la mort, peut-être incluse. Alors, dans Dramat et Macbeth, un dispositif tout à fait analogue, une scène censurée revient sous forme altérée. Alors, certes, les visées sont probablement différentes, même certainement différentes. Dans Dramat, il s'agit avant tout de transgresser les interdits. Donc, d'ailleurs, Racine reprend un topos tragique tout à fait récurrent, la scène de fureur, mais pour faire outrage au rituel tragique, par excès de violence physique et érotique. Dans Macbeth, il n'y a pas du tout de satisfaction, même partielle, d'un désir scopique. Le crime est résorbé en une tâche aussi invisible qu'indélébile. Si le drame rejoue la scène interdite, c'est pour confirmer qu'elle n'est pas, qu'elle n'a peut-être jamais été de l'ordre du visible. Alors, ces deux cas convergent en un point dans un jeu à la limite du visible, qui marque un déplacement de la représentation. En mettant sur scène des événements d'une visibilité seulement potentielle, le théâtre d'abord élargit son domaine à la scène mentale. Il permet à l'action de se métamorphoser bien plus vite et bien plus efficacement que ne le permettent les procédés d'illusion développés par des ingénieurs italiens d'ailleurs très experts et très, très, très étonnants quand on regarde leurs textes, les ingénieurs de la fin du XVIe et du début du XVIIe, des hommes, ingénieurs, le corps ago anonyme jusqu'à Sabatini, qui déploie avec une virtuosité extrême des techniques dont on ne soupçonnerait pas l'existence à date si précoce. Cette stratégie déceptive est plus maniable et plus efficace et va plus loin que des illusions qui sont toujours menacées par les aléas de la matérialité. Alors, je n'ai pas du tout épuisé les formes, d'abord les ressources de la frustration spectaculaire et ses formes. Donner à ne pas voir, ça peut signifier aussi donner corps à quelque chose qui ne saurait pas avoir lieu. C'est autour de ça que tourne le Tartuffe, mais je n'ai pas du tout le temps de l'évoquer. Et donc je vais donner quelques éléments de conclusion pour finir. Et je crois que je finis en quelques minutes. Alors, tous les exemples de frustration spectaculaire, et je n'ai pas tout développé sur la peinture, mais en peinture aussi, tout ça a en commun des jeux d'esquive qui fonctionnent en deux temps. On annonce que pour décevoir, premier temps, et deuxième temps, sur cette frustration, on fonde une nouvelle stratégie qui consiste à réveiller l'attente morte pour ne la satisfaire qu'à demi. La représentation triomphe de ne pas montrer ce qu'elle semblait promettre, ou pour montrer autre chose que ce qu'on s'attendait à voir, et quelque chose qui est volontairement décevant, pauvre, voire outrageusement pauvre. Alors je laisse de côté le cas de la peinture, où cette stratégie a deux objectifs absolument évidents. D'une part, faire éclater la virtuosité d'artistes capables de piéger les spectateurs. Deuxièmement, affirmer le statut intellectuel de la représentation, ce qui est un enjeu essentiel pour les peintres et les théoriciens de la peinture de la Renaissance au sens large, parce que ça va sur le XVIIIe siècle largement. Alors, au théâtre, on peut repérer, enfin, je repérais volontiers cinq objectifs. Premier objectif, aller au-delà de toute gratification voyeuriste pour faire de l'œil, aidé bien sûr par l'oreille, un instrument d'intellection, donc promotion intellectuelle de la vue qui est, comme je disais déjà, un sens déjà intellectuel. Deuxième objectif, élaborer un nouveau genre de coup de théâtre. Il ne s'agit pas de faire des choses vulgaires comme un retournement de situation. Il faut provoquer dans le spectateur lui-même un sentiment de révélation brutale. Et ce sentiment de révélation brutale tient à l'écart éclatant entre une visibilité assez pauvre et volontairement réduite et ce qu'elle signifie. Un carquois signifie l'abolition d'un empire et la violence d'un deuil collectif. Une gesticulation désordonnée signifie un déchaînement de violence et de volupté inouïe absolument, qui font absolument outrage aux normes à la fois théâtrales et éthiques. Le geste compulsif d'une reine aux abois signifie l'effroi de la damnation. Donc, un nouveau genre de coup de théâtre. Troisième objectif, un nouveau genre d'anagnorisis. Alors, vous savez que l'anagnorisis est pour Aristote un moyen de résoudre l'intrigue en révélant l'identité cachée d'un personnage mais au prix d'un retournement très souvent très artificiel. Mais c'est fondé, la nécessité de l'anagnorisis, dans le plaisir mimétique tel que le définit Aristote, qui est fondamentalement le plaisir intellectuel d'une reconnaissance, le plaisir spécifique qui consiste à reconnaître un objet qui, dans la réalité, inspirerait l'horreur et le dégoût. Donc, le plaisir fondamental de la mimésis, qui est en particulier en œuvre au théâtre, mais pas seulement, il est aussi en œuvre en peinture, et Aristote prend des exemples picturaux, c'est un hasard, ce plaisir spécifique est un plaisir anagnoristique. Et le phénomène que je me suis forcé de décrire répond à une nouvelle forme d'anagnorisis. Il s'agit d'éprouver le plaisir spécifique du théâtre en retrouvant assez laborieusement une scène censurée dans sa représentation, dans sa nouvelle présentation, déformée et passablement méconnaissable. Ça demande un surplus d'intelligence et du coup ça installe fondamentalement l'art théâtral dans ce qu'Aristote postule d'ailleurs, les formes de l'intelligence et non pas les formes serviles de la matérialité et de l'art. Quatrième objectif, l'évocation indirecte sert parfois, pas toujours, dans les dramaturgies contraintes, à contourner les normes ou bien aussi à surmonter les contraintes matérielles. On ne peut pas tout montrer au théâtre, même quand on a le droit de tout montrer, on ne peut pas tout montrer, et ça sert à contourner ces limites. Cinquième et dernier objectif, mais est-ce le dernier, je ne sais pas, ça sert à exprimer aussi ce qui ne pourrait s'appréhender directement. L'horreur de la guerre ou du crime sur scène risque de se réduire à une scène de boucherie. Jouer avec sa visibilité potentielle interdite, redonnée, mais partiellement et faussement, c'est lui donner son statut entier, d'horreur absolue. Bref, il y a deux économies du spectacle qui ne faut pas opposer trop fort parce qu'elles sont parfois en concurrence à l'intérieur de la même pièce. Une économie du spectacle dont témoigne d'ailleurs le développement des machineries tout au long de l'histoire du théâtre, qui cherche à voir toujours plus, à faire voir toujours plus et à surenchérir de surprises et d'éclats. Et une autre économie qui sait que l'apparition la plus sidérante, avec toute sa puissance de pathos ou d'effroi, ne vaut pas un spectacle qui, parce qu'il ne comble pas l'œil, fait mieux appel à l'intelligence et du coup en tire une efficacité durable. Le spectateur ne saisit toutes les implications de ces moments-là qu'après la représentation. Ce n'est pas dans le mouvement même de la représentation et sous le choc de ce qu'on ne voit qu'à moitié qu'il peut comprendre l'audace d'un spectacle qui, parce qu'il est déplacé et altéré, brave impunément tous les interdits. Il faut un minimum de réflexion, donc attendre la fin de la représentation, et peut-être plus que la fin de la représentation, pour soupçonner derrière la violence gesticulatoire d'Oreste, la violence autrement sournoise que Racine inflige aux normes classiques et pas seulement les normes théâtrales. Bref, au théâtre comme en peinture, donnez-moi à voir et parfois un moyen de donner mieux et beaucoup mieux à penser. Alors, je m'arrêterai là pour ce qui est de mon domaine, mais si j'essaie de penser aux traces de cette stratégie au XXe et XXIe siècle, mais ça, je vais penser à ça tout à l'heure, il y en a une évidente. D'abord, la propension et de quelques dramaturges et des metteurs en scène à la réduction radicale du visible. Claude Régis en est un représentant, et Je n'ai pas pu voir, mais Daniel Jeannetot représente actuellement au Théâtre Livré, je crois, Les Aveugles de Nain Interlinque dans une sans lumière, sans rien. Sans décor, sans lumière. Il y a une brume telle, c'est un énorme décor. Une brume telle et beaucoup de lumière. Sauf qu'on ne voit rien, mais il y a. Pour ne rien parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Donc, mais alors, pour ne rien voir, il y a quand même beaucoup de lumière. Je voulais dire, j'avais dit. On ne voit pas le visible. Non, c'est une amie qui l'a vu, qui m'a dit il n'y a rien. mais qui m'a dit qu'il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de milieu, il n'y a pas de projecteur, etc. Donc ça, c'est vrai. Pour qu'on voit rien, on pratique la réduction radicale. Mais c'est vrai que c'est une réduction radicale. Mais chez quelqu'un qui a pratiqué la réduction radicale comme Beckett, mais ça je parle sous le gouverne d'Elisabeth, je ne dirais pas qu'il y a une stratégie véritablement au nom de. En ce sens. Et c'est une donnée. Il y a une déception du visible qui est installée là. Ça ne fait pas l'objet d'une stratégie, mais peut-être que je me trompe totalement. Merci. Merci mille fois, c'est passionnant de, précisément d'entendre parler de ce théâtre-là en ayant en tête le théâtre contemporain. Et cette absolu du théâtre que serait le noir pour Beckett, j'ai juste apporté ça parce que je relisais Comédie récemment et je tombe sur la première réplique de La Femme 1. Oui, bizarre, noir, l'idéal. Et plus il fait noir, plus ça va mal, jusqu'au noir, noir. Et tout va bien, tant qu'il dure. Mais ça viendra, l'heure viendra, la chose est là, tu la verras, tu me lâcheras. De bon, tout sera noir, silencieux, révolu, libéré. Donc, cette téléologie du noir, hein, aller vers le noir, voilà, j'étais passionnée d'entendre la manière dont tu fais jouer ces concepts-là sur un corpus. Qui a tout deviné à l'avance et qui permet de penser les contemporains comme des réécrivains plutôt que comme des écrivains. Donc, merci, Florent. Alors, bon, moi j'ai plein de commentaires à faire et plein de choses. Et en particulier, pour lancer la discussion, mais j'ouvre ensuite et puis on parlera tout de suite après de. Enfin, je voudrais revenir sur cet effet de déflation là. Qui permet de construire le spectacle dans un imaginaire invisible qui permet de faire imaginer la bataille de Salamine, etc. Puis ce carquois qui va tout à coup métaphoriser ou être une métonymie finalement de la bataille de Salamine. Alors évidemment j'ai tout de suite pensé à la tasse de café de Bond, le café qui transverse et qui devient une métonymie de l'horreur de la Shoah. Et alors, je me demandais ce que le vert relayait de cette défaillance. Parce qu'il y a quand même, ce que tu dis, c'est que le vert, tout est là, tout est dans le verbe. Et pourtant, on accepte de sacrifier, de présenter ces quelques vers, tu dis, ces pauvres vers, pour finalement résumer l'horreur de ce spectacle. J'aurais bien aimé ton point. Mais d'abord, je crois qu'il y a une véritable monstration d'un objet. Ouais. Je ne pense pas que ce soit imaginable qu'il montre un objet. Ouais. Il faut dire qu'il dit, alors je l'ai sous les yeux, donc je traduis, tu vois le reste là. Toloi pontonde, tasemas tolas. C'est mon corps d'armée, mais stolet, c'est à la fois le corps d'armée et c'est aussi le vêtement. Or, le grand roi qui est défini par une visibilité extravagante, tellement extravagante qu'on ne doit pas le regarder, le grand roi, on doit se prosterner front contre terre. C'est pour ça que le rituel de proscénésis qui est réactivé trois fois en positif ou en négatif, est si important dans la tragédie. Et on l'a vu arriver en haillons, visiblement. Il exhibe la ruine de sa puissance, la perte de son armée, et il montre cet anéantissement. Mais, alors, il montre un objet, mais cet objet résonne par rapport aux quelques bouts de verre qui disent tout, avec les jeux de mots sur ces mots pauvres, sont des mots tout à fait légitimes. Mais donc, il y a une violence faite au texte qui va du coup, ce texte qui va être travaillé non pas dans le sens de la monstration, mais dans le sens de, au contraire, de l'oblitération. Donc il y a une violence faite au texte dans un théâtre qui construit le visible par le verbal. C'est ça qui est, ce paradoxe-là qui est, me semble-t-il, passionnant. La violence faite au texte, c'était un texte extrêmement ramassé, extrêmement efficace. Puisqu'il joue sur la polysémie pour dire deux choses à la fois. Un simple mot renvoie à deux choses, et deux choses qui renvoient à des choses qui sont obligatoirement visibles, concrètes. Les haillons qui sont là, le carquois insignifiant, il est certainement là. D'accord. Que vous souhaitez qu'on intervenir maintenant, peut-être sur ce qui vient d'être dit immédiatement, ou bien dans le cadre, je ne sais pas, comme vous avez envie de faire. Dites-moi. On va peut-être, voilà, alors on va peut-être parler du théâtre des mises en scène de Marc Paquin. Marc Paquin, que je remercie vivement, Marc Paquin qui est un metteur en scène prolifique, dont on a pu voir cette année beaucoup de spectacles, récemment au Bout du Nord, Molly Bloom, au théâtre de l'Atelier, La Leçon d'Ira, au Les Beaux Jours, un peu plus tôt dans l'année, qui était une reprise. Et puis à côté, c'est Antigone, bien sûr, qui est encore en ce moment, hein, Antigone qui se joue en ce moment à la Comédie française, mais qui se joue un peu à guichet fermé, il faut quand même dire. Voilà, donc Marc Paquin qui a monté des textes qui précisément ne donnent pas forcément à voir, c'est-à-dire Riquet au beau jour, c'est-à-dire Martin Clunes, les petites pièces qui fonctionnent sur l'improvisation, sur la déconstruction du personnage, des personnages qui ne sont plus que des voix, même plus des figures, mais des voix. Qui vont se mettre à parler dans un espace totalement indéterminé. Donc, il y a Marc Paquin qui a monté ce type de théâtre, qui a monté aussi le baladin du monde occidental, c'est-à-dire un théâtre qui fait la part belle à l'oralité, à ce qu'on raconte sans pour autant le montrer, un théâtre qui fait la part belle à l'hypose, à la mise en place de cette théâtralité dans la langue qui précisément ne donnerait pas... elle ne viendrait pas exister sur la scène dans l'action, et qui a aussi monté Molière, Les Femmes Savantes, qui a aussi monté Les Affaires sont des affaires, donc des pièces. Voilà, alors ça m'intéresse beaucoup d'abord de faire parler de ce parcours, qui a monté bien sûr Les Aveugles, qui est passé au lyrique, Les Aveugles, texte de Metternich, mais opéra de Benedeyer, donc vraiment. On passe au lyrique, on bascule dans un autre de la monstration. Donc j'aimerais bien avoir un mot sur ce parcours-là, que je vais essayer d'illustrer avec un PowerPoint. Alors là, en vous montrant deux, trois images de ce qui... J'aimerais bien d'abord, pour commencer, qu'on parle de ça, et puis ensuite qu'on revienne sur ce que tu montres, sur ce que tu décides de ne pas montrer dans des mises en scène qui sont assez souvent minimalistes. Non, mais attends, là, je vois plus rien. Tu l'as allumé, là ? Oui, non, vas-y, allume-le, parce qu'on l'avait éteint, ça faisait du bruit. Moi, je m'avais pensé à une chose que je voulais raconter, parce que par rapport à la comédie, parce qu'évidemment, j'ai pas arrêté de penser avec ce que tu viens, là, pardon, mais à Harpagon et à sa cachette, dans la barre, parce que je trouve que c'est un... Évidemment, c'est un des éléments les plus beaux, je trouve, de l'histoire, et qui est vraiment l'objet invisible qui a disparu, et qui n'est pas montré aux jeunes spectateurs, et on ne sait pas si évidemment c'est un fantasme, cette cassette, ou si elle existe vraiment. Et je trouve que c'est un. Parce que je trouve ça beau dans la comédie aussi, finalement, Molière, évidemment, est complètement en génération, etc. C'est une très très belle image, enfin moi c'est l'image à laquelle C'est quand même pas la même chose. Ce que je crois intéressant, c'est qu'on croit qu'on va jamais la voir en même temps. Vraiment. Et puis finalement, elle arrive, parce que c'est le jeu même de la comédie, c'est de revenir à une espèce d'ordre, d'équilibre pour la fin, parce que Molière, comme Perrault, enfin Molière est très impliqué de Perrault, donc forcément, il travaille sur le conte et puis sur les forces contraires qui finalement, à la fin, sont vaincues et puis. Le personnage récupère enfin l'objet aimé. Oui, mais il y a deux différences stratégiques. On la voit à la fin, oui. Et d'autre part, c'est pas du tout un objet invisible ou impossible. Donc les autres, c'est des objets que le dispositif interdit de montrer, ou bien qui ne sont pas matériellement montrables. Or, une cassette, rien n'est plus facile à montrer. Et de fait, on existe. Rien n'est plus facile à exister, n'étant pas, comment dire, ce qui est drôle dans la comédie, c'est qu'il n'est pas supposé exister. Le personnage lui-même, au début, dément avoir de l'argent, etc. Donc il y a tout un jeu, en effet, sur... C'est ça le problème. Je trouve que c'est justement les dispositifs que François a mis en évidence fonctionnent parfaitement pour la tragédie, mais difficilement applicables pour la comédie. Oui. Donc ils créent une ultérieure séparation entre les deux genres, en cloîtrant la comédie dans l'espace du visible et la tragédie dans l'espace du symbolique. Mais je trouve que la comédie est pleine de. Et justement, ça qu'on pense, quand, si je pense à Marivaux, la première pièce qui me vient à l'esprit, c'est la fausse suivante, mm-hmm. qui est donc l'histoire d'une jeune femme dont on ne saura jamais le nom, qui arrive déguisée en homme, qui, quand elle est démasquée, annonce qu'elle est une servante, alors qu'en vérité, c'est sûrement une aristocrate, etc. Et elle passe la pièce habillée en homme, et à la fin, elle apparaît juste en femme, sans jamais qu'on puisse savoir son nom, par exemple. Mm-hmm. Bon, donc cette histoire personnage qui n'apparaît pas finalement, ça c'est un cas intéressant dans le soir d'incarnation, parce que c'est comme un personnage qui n'apparaît jamais. Et ça je trouve ça extrêmement surprenant au XVIIIe siècle, ce personnage qui ne verra jamais réellement dans son existence, qui n'est finalement qu'une espèce de d'émanation d'une personne, comme sur les multiples visages. Évidemment la comédie. Je prends le cas de là-bas parce que c'est tout que je suis en train de lire aujourd'hui, donc voilà, je l'avais sous la main, quoi, dans ma tête, mais je trouve l'histoire de l'objet beaucoup plus intéressante que je ne pensais, à n'a pas existé, mais qui existe tout de même, et puis qui est recherché par le personnage, qu'on lui a dérobé, etc., qui finalement revient et se matérialise, et finalement est vu sur le facteur, je trouve que c'est une chose très intéressante. Alors, par rapport à ce que je disais là, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la justice. Il y a un œil là, non? Il y a un œil. Ouais, mais ça c'est la production d'une gravure très célèbre du 18e. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est les espaces que tu tires vers l'abstrait. J'ai fait défiler les femmes savantes sur un plateau pratiquement nu avec quasi rien. Donc ça m'intéresse de voir pourquoi tu tires des espaces qui ne s'y prêtent pas forcément vers l'abstrait. Et par ailleurs, pourquoi tu as aussi tes auteurs de prédilection sont aussi des auteurs qui ne montrent pas, des auteurs qui enterrent les corps, des auteurs qui déconstruisent le personnage et qui n'en donnent que des voix, des auteurs qui font fonctionner un théâtre de paroles. C'est aussi le cas de Faust, tu lui as monté, là j'en ai pas parlé, mais jamais nous ne nous sommes séparés, avec Ludmila Mickaël. Donc des auteurs qui finalement, tu as ce goût pour aller vers des théâtres qui précisément empêchent le corps, empêche l'arrivée, empêche que ça advienne. Et ça m'intéresse. Et quand c'est pas ce type de texte, eh bien, tu travailles l'espace d'une manière abstraite. Ce qui fait que finalement, on arrive un peu au même résultat, ça n'advient. C'est une bonne perversité. non, mais alors, pour, je prends l'exemple de Faust parce qu'il est vraiment intéressant. Je trouve que c'est le dernier auteur contemporain qui a fait. Alors, c'est sa première pièce, il est extrêmement imprégné des quêtes, à la fois de Godot, puis de Les Beaux Jours, etc. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui attend un homme qu'elle a aimé, sûrement, qui est mort. Enfin, on ne sait pas, elle l'attend, il ne vient pas. Et puis, quand elle arrive, elle ne voit pas qu'il est là. Donc c'est toute une interaction entre le monde des morts et le monde des vivants, je le dis rapidement. Et puis cet homme, à un moment, il arrive avec une jeune femme dans le même appartement, et il se met à vivre avec cette jeune femme dans cet appartement, et on ne sait pas finalement qui habite ce lieu. Est-ce que ce sont qui est mort, qui est vivant, enfin voilà, c'est une interaction entre les deux mondes. Et il commence par, avec l'arrivée de cet homme et cette jeune femme, au deuxième acte, il décrit une très très très longue scène, mais j'ai dû me reprendre à 10 fois en lisant la pièce, parce qu'il décrit une scène qui en vérité se passe derrière une porte. Donc on n'est absolument pas censé voir quelque chose, mais complètement incroyable. Il est extrêmement précis, comme Beckett dans ses didascalies, sur le lieu lui-même, sur la fille, la disposition du lieu, etc. Mais et là, finalement, il y a juste une indication où on sait que c'est une porte. Cette porte, elle est fermée. Et cette très longue scène, finalement, au début, les personnages ne seraient que des voix avant leur apparition. Alors ça pose des questions scéniques importantes, parce que ça pose la question de l'insupportable aussi à un moment pour le spectateur. Parce que tout ce qu'on sera et qui est passionnant, ça repasse aussi par quelque chose qui est l'incarnation. Hein. L'abstraction au théâtre, c'est bien gentil, mais en même temps, or, qui est l'incarnation, qui est le corps de l'acteur. Et le corps et la voix de l'acteur, mais c'est quelque chose justement de... Enfin, c'est ça qui est évidemment très intéressant. Ça me posait des questions très profondes sur la durée. Je me demandais combien de temps on pouvait tenir avec juste des voix qu'on entendait, en sachant qu'il y avait un... comment les faire apparaître ensuite, parce que du coup, il y a quelque chose qui devient totalement trivial dans l'ouverture même d'une porte, dans l'apparition, etc. Ça pose des problèmes à la fois entre abstrait et concret, etc. Bon. Alors après, j'ai résolu le problème en travaillant vraiment les choses comme des fantômes, pratiques, comme l'ombre qui rentre sur la lumière, etc. Enfin, bon, tout ce thème-là. Mais ça, c'était... Je trouve ça vraiment très intéressant. Il est complètement imprégné par Beckett. Moi, avec le baladin qui est à l'autre bout du siècle, évidemment, toute l'histoire du meurtre du père qui est raconté en permanence et qu'on ne voit pas, la manière dont on doit. Avec une bêche, je crois. Raconte qu'il a tué son père avec une bêche, et en vérité ne le tue pas. Ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne peut pas voir, ça n'a pas existé de toute façon. Je crois que... Non, je vais dire, ça ouvre beaucoup ce que tu dis sur l'espace mental dont parlait François à l'instant, c'est-à-dire ne pas montrer, c'est aussi ouvrir sur cet espace. Et ces dramaturgies-là sont peut-être des dramaturgies qui reposent sur l'espace mental. Qui convoque l'imaginaire, qui convoque l'espace mental, bien sûr. Bon, alors, si je repars sur Marivaux, je trouve que c'est vraiment passionnant parce que c'est. Je crois que ça, alors là, il y a un point d'abstraction en effet chez Marivaux, mais j'ai l'impression même dans la langue, hein, parce que c'est une langue vraiment inventée au théâtre. Hein, je ne pense pas qu'on. Enfin, voilà, c'est une langue qui ne parlait pas français, hein, ce qui fait qu'en général. Dans la salle même, on raconte qu'à l'époque, un, les acteurs ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, et deux, les spectateurs ne comprenaient pas vraiment ce que disaient les acteurs non plus. C'était pour les acteurs de la comédie italienne. Hein. Donc, il y avait un phénomène sur la perception de la langue qui était tout à fait ce qui se dit dans les premières pièces. Marivaux, évidemment, dans la dispute, alors qu'il y a une de ses dernières pièces qui est dans vraiment l'hiver de sa vie, il y a à la fois, sur la question du visible, il montre aussi l'innommable. nomade, c'est-à-dire qu'il montre, bon, c'est une pièce sur l'expérience, quatre jeunes gens qu'on enfermait à la naissance, etc., puis qu'on lâche dans la forêt. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la pièce, en vérité, c'est ces deux personnages, le crâne, qui a commis la première inconstance en amour. Bon. Et c'est évidemment ce qu'on ne peut pas avoir, elle le dit elle-même, mais de toute façon, nous n'y étions pas. Voilà. Elle dit, mais nous n'y étions pas, on ne peut pas le voir. Et il répond, nous allons le voir. Et là, Mario fait quelque chose d'inouï parce que finalement, il crée une fiction. Alors, on ne sait pas si ce sont des comédiens employés par le prince pour jouer cette fiction ou si l'expérience a vraiment lieu. Ça a vraiment eu lieu. Il raconte que c'est son père qui a enfermé ces jeunes gens, que maintenant ils ont 18 ans et qu'on les lâche pour la première fois dans le monde, et qu'ils ne se sont jamais rencontrés, surtout, enfin, qu'ils n'ont jamais vu aucun être humain, à part deux serviteurs noirs. Je passe là-dessus parce que ça sera trop compliqué à expliquer sur le thème, mais voilà. Donc la pièce commence par l'idée de voir quelque chose, de toute façon, qui ne peut pas être vu de toute façon, voilà, la première toute la pièce est basée là-dessus. Alors là, à l'époque, je pense que c'était mon côté baroque de l'époque, c'est il y a longtemps, hein. Il se trouve que comme, en plus, tout le dispositif de la pièce se passe sur le regardant regardé, parce que, évidemment, le prince et Hermione regardent l'expérience. Alors on ne sait pas s'ils sont dans la salle, avec les spectateurs, ou s'ils sont sur un autre point d'aide, le prince dit qu'il y a une galerie tout autour de cet édifice. Donc la galerie, ça peut tout à fait être la galerie du théâtre, puis ça peut aussi être, je ne sais pas, un endroit, un point de décor. Bon, alors moi, j'ai résolu le problème en mettant un œil, parce que je me suis dit comme ça, on sait qu'il regarde. Je n'ai pas du tout comme ça maintenant. Et à l'époque, j'étais très gêné par cette histoire du regard du prince et Ariane durant toute la représentation. J'arrivais pas à résoudre ça. Et comme bon, c'est l'histoire de, c'est le siècle de l'optique, c'est le siècle, c'est la lettre sur les aveugles, etc. Enfin, c'est toutes ces choses là. Et j'étais tombé là-dessus. Quoi se passe justement sur, on regarde l'expérience. Il y avait cette histoire de l'œil. Ce qui permettait aussi de ne pas représenter. Bon, parce que sa pièce a été rejouée pour la première fois en 60. Il faut quand même raconter que ça a été un renversement total de la mise en scène. Hein, après l'ère villarienne, bon, il y avait déjà le début de mouvement de décor qui apparaissait. Mais Chéreau, il a créé quelque chose dans l'esthétique, dans le décor à l'époque. Bon, c'est une pièce qui dure 1h15, normalement, c'est un spectacle de 3 heures, avec de l'opéra, avec beaucoup de fumée, beaucoup il y avait un prologue qui avait été écrit, il y avait des corps nus, enfin bon voilà, il y avait des c'est très très haut mur de fait Richard Peduzzi, enfin bon. Donc c'était, et il représentait beaucoup l'idée de la forêt. Bon, alors moi j'étais à la fois pas dans cette esthétique là, et surtout pas dans ces, je dois le dire, dans ces moyens de production là. J'ai pas envie de représenter la forêt, mais je m'intéressais plus au théâtre italien. Je me disais que le 18e, aussi, avec toute l'histoire des toiles peintes, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Bon, donc j'ai fait quelque chose qui était à mi-chemin, parce qu'à l'intérieur de l'œil, il y avait une scène. Oui, pardon, voilà, à l'intérieur de l'œil, il y avait une scène dans laquelle même on jouait certaines scènes. Donc il y avait plusieurs espaces, en vérité, qui se déclinaient, et surtout l'arrivée des personnages se faisait par l'œil. Et la naissance des personnages, ceux qui sortaient dans le monde pour la première fois, se faisait par cet œil et par en même temps ce petit rideau de théâtre. Ce qui rendait toujours à la question de savoir si c'était là qui finalement interprétait. Je crois que la rencontre avec Martin Krimp, c'était après, les premiers crimes, pardon, en Chaillot. Mais alors, il y a des considérations économiques au théâtre qui sont radicales, parce que quand j'ai fait mon premier spectacle à Chaillot en 2004, c'était ma première mise en scène, j'avais tellement pas d'argent et le directeur ne voulait pas me programmer parce qu'il n'y avait plus de place. Mais j'ai fait un spectacle dans les escaliers. C'est là que je me suis retrouvé à faire un spectacle dans les escaliers. escalier où les acteurs étaient en escalier, et puis dans un deuxième escalier où les spectateurs étaient assis dans l'escalier, mais regardaient juste une porte, un double bâton. Voilà. En effet, c'était très intéressant, ce sont des pièces, je ne sais pas si vous les connaissez. En effet, développe un acte de violence qui a eu ou qui pourrait avoir lieu. Le premier étant un homme qui rentre dans une bataille. Il y a le développement de cette fiction pour finalement n'aboutir absolument pas à sa résolution, mais au contraire à l'apparition même, puisque tout ça se résout par blues. Voilà. Donc toute la question aussi là-dedans était de savoir quel espace on traitait. Est-ce que c'était un espace théâtral? Et je trouvais intéressant de ne pas être dans un espace théâtral, de ne pas être face à Hussein, mais d'être face à un non-décor, un non-espace. Alors vous imaginez les escaliers à Chaillot, c'est déjà assez parlant en soi. À partir de ça, avec, en plus, bon, les premiers jours, les spectateurs étaient debout pour la première pièce, mais ça durait. Une pièce qui dure 10 minutes. Hein. 10 minutes. Mais j'ai eu tellement de plaintes dans les journaux que. on a fini par mettre des tabourets. Et c'était plus dans l'esprit même d'une espèce de. Dans les dédales de Chaillot, tout à coup, on tombait face à une fiction. Il me semble qu'il disparaissait dans un. Oui, c'est ça. Et la deuxième pièce, voilà. Alors, et ce qui m'intéresse encore plus, c'est que la deuxième pièce passait. Alors là, des gens qui étaient dans un escalier, ils regardaient une porte à double battant. Mais la porte à double battant permettait qu'on ne voit. Il se passe des. C'est comme un cadre de peinture, sauf que ça donnait une vision de profondeur sur toute la salle de Chaillot. Donc je crois qu'il devait y avoir, 30 mètres de profondeur derrière qu'on avait éclairé. Mais ce qui permettait aussi beaucoup de jouer sur ce qu'on entend mais ce qu'on ne voit pas. Hein. Donc les entrées et les sorties des acteurs à travers cette petite porte, donc 4 acteurs qui jouaient et ce qui permettait aussi de créer des fictions parallèles qui agissaient mais qu'on ne voyait pas. Et bien sûr, si je peux t'interrompre, dans ces pièces ont à voir avec cette matière tragique qui est donc immontrable, et il fallait bien donc travailler cette absence, cette incapacité à montrer l'innommable, et c'est là qu'on tisse des liens avec ce qui s'est passé. Qui s'est passé avant. Donc on est dans une dramaturgie du dire qui précisément va reconfigurer verbalement un spectacle absent parce qu'il ne peut pas en être autrement. Et donc cet espace monumental de Chaillot avait cela d'intéressant que précisément ça inscrivait le texte quand même relativement novateur et bousculeur de Crimp dans le monument. Enfin, c'était l'événement dans le monument et ça marchait assez bien, ça je dois dire. Oui, oui, disons, l'espèce de contradiction entre le texte et le monument était quelque chose qui marchait vraiment, vraiment très bien. Pour poursuivre avec Crimp, la troisième pièce mise en scène de lui qui s'appelle La Ville. Alors évidemment, ça comportait une chose pareille, deux histoires que je trouvais intéressantes. La première, c'était que la seule ville d'Ascalie, ça veut dire scène déserte. Je me suis demandé si ça voulait dire que la scène avait été alors que vraiment rien n'existait avant la fiction qui allait se développer. Et en même temps, et en contrepoint à cette scène déserte, il y avait l'histoire d'un carnet dans lequel une femme écrivait. Et on découvrait seulement à la fin du spectacle qu'en vérité, ce carnet dans lequel elle écrivait, en vérité, nous étions nous-mêmes presque contenus dans le carnet. Quoi. Voilà. Alors, j'étais passé. On n'a pas trop tôt que ça. C'était très compliqué à faire. Hein. Mais j'étais passé par plusieurs choses. En même temps, on avait fini par représenter la scène déserte. Aussi bien que je pensais. Okay, voilà. Là, je me suis toujours demandé comment faire. C'est compliqué. On a fini par faire un espace miroir, quelque chose d'assez. Je me demandais s'il fallait ne pas faire de scénographie visible, ça veut dire en faire beaucoup en réalité. Et je suis assez contre maintenant le côté on joue avec la cage vide, la cage de scène vide, enfin, toutes ces choses-là, qui sont des fausses résolutions, je trouve, au théâtre, qui a été beaucoup, beaucoup fait de manière merveilleuse par des très grands, de redécorer la scène de la cage de scène. Et donc finalement, on n'est plus là-dedans, enfin, en réalité. Et qu'est-ce que ça veut dire, scène déserte? C'est une vraie question. J'ai l'impression que ça raconte quelque chose sur avant que la fiction démarre. Mais avant que la fiction démarre au théâtre, il y a quoi? Donc, c'est une vraie question. Est-ce que ce sont les traces de la représentation d'avant, de la veille? Est-ce que ce sont les traces d'un autre spectacle? Est-ce que ce sont les parts qui vont nous servir? Ça pose énormément de questions. Quand j'avais vu la pièce à Londres, je trouvais le décor tellement pas intéressant parce que c'était vraiment une reconstitution d'un appartement, d'une miracle, d'une gazon, etc. Et cette question-là, je pense que je l'avais qu'à moitié résolue, finalement, dans le décor. Qui était un praticable en pente, en noir, en miroir, dans lequel le monde se reflétait, etc. Finir là-dessus, sans parler de l'aveugle, là on est au cœur même du sujet, parce que. L'aveugle, à l'opéra Bastille d'ailleurs, et puis ailleurs, ça a tourné, c'est pas possible. Ah si, pardon. Oui. À la Méda, je crois. À la Méda, oui. Là, évidemment, on est au cœur de la chose, ce sont des aveugles. Le seul qui voyait, qui les guidait, le moine, est mort à leurs pieds. Et il n'y a qu'un voyant, c'est un enfant, mais qui ne peut pas parler. Et quelque chose approche, mais que nous-mêmes nous ne voyons pas, parce que nous sommes aussi aveugles, nous-mêmes. Toutes ces questions sur... Il y a des images. Oui, il doit y avoir la feuille, là, oui, je pense. Oui, voilà. C'était une barque. C'est une feuille barque. Tout le spectacle est basé sur la couleur en vérité, dans les lumières de Mille Brûlières. C'était quand même 12 chanteurs là-dessus. Ouais. Alors là, évidemment, aussi ça pose des questions sur le lieu lui-même. Hein. Daniel, j'ai l'impression qu'il a fait vraiment un spectacle sublime. Nous plongeons dans une nuit. À l'opéra, on a d'autres inquiétudes. Pas que les chanteurs voient le chef. Surtout en musique contemporaine, il vaut mieux. et voir quelque chose. Mais disons que là, j'ai choisi, c'est vrai, de renverser la chose par cette métaphore de la barque, de la mort sur laquelle ils sont, sans même savoir qu'ils sont déjà cage. Vraiment, ce qui est magnifique chez les terrains, passion de Pau aussi, et puis Shakespeare, mais c'est toute la question de la menace, de la menace qui s'ouvre et de la peur, enfin la terreur qui agit, quoi. C'est une chose. Est-ce que vous disiez que vous aviez joué avec la lumière beaucoup dans le spectacle, est-ce que, je regrette de ne pas l'avoir vu, mais. Que le spectateur, lui, jouisse d'un spectaculaire dont précisément les pages mêmes sont privées dans la fiction. C'était quelque chose, j'imagine, enfin, des mouvements lumineux, des formes. Certains des aveugles arrivent à distinguer les formes, d'ailleurs, il me semble. C'est la vieille aveugle, je ne sais plus, qui arrive à distinguer. C'est-à-dire qu'en vérité, on voyait très peu leur vie. C'était plus comme un... Faire des formes avec du noir, enfin, qui ressemble à la photographie un peu, hein. Faire émerger une forme avec le noir qu'eux-mêmes ont dans les yeux. Est-ce que c'est ça que tu as travaillé? Oui, c'est ça. Ouais. Là, réussir à faire spectacle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est parce que... Enfin, je crois que c'était un objet spectaculaire visuellement. Parce que là, on va faire mention, mais c'était quelque chose de très que nos propres rêves. Ou que notre propre rêve, j'allais dire, surtout. C'est plutôt peu ça. Là où je trouve que j'attends, c'est l'enfant qui voit, qui peut pas parler. C'est quelque chose quand même d'incroyable. Le seul qui voit. C'est absolument magnifique. Et ils disent qu'il y a quelque chose parmi eux, qui les frôle, qui est là, mais on ne voit pas le spectateur de toute façon. Nous sommes aveugles du vivant. Pas m'empêcher de penser à ce texte de Gond qui s'appelle Edmond qui s'appelle Existence, que peut-être certains ont vu. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est entièrement dans le noir avec juste un entrebâillement de porte. Un entrebâillement de porte à un moment. Ça, c'est dans la mise en scène de Benedetti au studio d'Alfort d'Alfortville et puis repris à la Comédie française. Donc, cette idée que, qu'en effet, on n'est plus dans un monde qui fait confiance au visible, on serait dans un monde qui fait confiance au négatif, finalement. Voilà, donc que l'obscurité serait le seul lieu où ça peut advenir, le seul lieu où ça peut, où la forme peut advenir. Et ça, je le vois dans les dans les pièces très contemporaines, enfin, même la dernière pièce de Gond qui est donnée en ce moment au Théâtre, qui s'appelle Les gens, a lieu dans la nuit, a lieu dans une semi-obscurité, dans la nuit, le plateau est à moitié plongé dans l'obscurité, donc on est vraiment dans ce type de travail qui ne peut éclore qu'à la faveur d'une non-lumière, d'un non donné à voir. Et ça, c'est vraiment très caractéristique des théâtres qui, moi, m'intéressent sur la scène anglaise. En tout cas, c'est extrêmement ça. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est dans les autres aires géographiques ici. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir que tout ce qui a été dit par François ressurgit, puisqu'en effet, ces pièces-là sont rarement des comédies. Enfin, c'est... Tout ça sont des tentatives de reconfigurer, de repenser la tragédie, de relocaliser le tragique et la tragédie dans, enfin, le tragique dans une forme qui serait peut-être justement pas celle de la tragédie, mais qui s'inscrirait en parallèle à cette forme de la tragédie. Mais tout ce dont tu as parlé ressurgit sur cette scène contemporaine dans l'ère anglophone, j'aimerais bien. Oui, mais je ne pense pas que ce soit spécifiquement tragique. Tragique. Ça, tout à fait comique, le jeu avec un spectacle interdit. Le meilleur, c'est la deuxième scène de séduction d'Elmi dans l'horizon, est un acte sexuel sur scène, dont on sait très bien qu'il ne peut pas advenir, et pourtant tout converge vers là. Et ça joue avec les attentes impossibles du spectateur. C'est pas... ça n'a pas les mêmes conséquences, c'est pas tout à fait les mêmes effets, mais c'est quand même un jeu qui est assez proche au départ. Oui. J'étais très fascinée par votre remarque que beaucoup de lumière. Pas beaucoup de lumière. Enfin, un éblouissement total, c'est plutôt un excès de lumière plutôt que. Non, mais comme je connais bien le travail de Daniel Gentou là et la manière dont il pense, c'est vraiment immense. C'est que cette lumière nous l'a et que ça c'est le travail scénographique. Et bien au-delà de ça, et pour arriver à rendre ce rien et surtout à nous plonger, parce que il s'agit quand même rappel à nos expériences sensorielles sur le fait de voir ou pas voir, entendre ou pas entendre. Là, le spectacle, il plonge le spectateur dans quelque chose qui est bien au-delà, qui touche alors là pour vraiment, je trouve, à une sorte de terreur et surtout portable de l'île de la présentation, je trouve. Enfin, je me demandais si vous voulez dire quelque chose de paradoxal, exprès, comme le trop plein et le vide non, mais de se façon, ressemble. Dès qu'on veut travailler au théâtre, le plus simple, le plus clair, la plus grande disparition, je trouve que ça demande beaucoup de travail pour avoir une image nette qui puisse vraiment faire croire à ça. Sinon, vous aurez juste des. On peut juste pousser les tables, mais pousser les tables, c'est pas justement vider l'espace en vérité. Vider l'espace ou par exemple, bon, il n'est plus là. Ou ce créteau de régie, par exemple, sur voilà, dans 448, Isère seul en scène en plein centre de Bouffe du Nord, qui ne bouge pas depuis le monologue de Sarah Kane, c'est une. En vérité, c'est une débauche. Ouais, il y a une débauche esthétique, vraiment. De lumière, le sol est travaillé, le costume est archi pensé, enfin tout ça pour avoir l'air de rien finalement, pour n'avoir l'air de rien, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est ce qui est plus difficile. Claude Régis, qu'on ne voit strictement rien, mais que c'est des spectacles qui coûtent les plus chers du monde. Ce rien coûte une partie. C'est pas des siens qui est le plus cher du monde, mais. Ouais, oui, c'est ça, voilà, c'est cher d'arriver à rien. Vraiment, hein. Ça fait les liens avec cette idée de mettre en scène l'absence d'acceptation de cette frustration qui justement permet de voir l'invisible ou de faire état d'une absence. Alors, il y a ce changement, et là je m'intéresse à une question qui s'adresse surtout à François. Je m'interroge sur cette vertu qu'aurait le noir et l'absence de monstration de représenter, enfin de porter le vrai. On est quand même à un moment dans du 16e au 18e où la lumière, ça porte l'idée, ça porte le beau, ça porte le vrai. Or, dans la tragédie dont on vient, enfin dans les tragédies dont on vient de parler, le vrai surgirait précisément à l'envers de cette idée platonicienne de la lumière, le beau, le vrai. Oui. Ouais. Au théâtre, dans les périodes anciennes, oui. Je me trompe peut-être, mais il n'y a pratiquement pas de noir. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, la pièce, Macbeth, c'est la pièce qui se passe le plus systématiquement dans la nuit. Je crois qu'il n'y a qu'une seule scène qui se passe de jour. Mais c'est avant, au moment de l'enfermement des spectacles, les salles de théâtre fermées. Mais ça s'ouvre nécessairement à la lumière du jour, et la nuit est signifiée par des torches. Oui, donc, oui. Voyez, quand je dis la nuit, là, je veux dire aussi les coulisses derrière, la sortie du regard, hein, c'est ça aussi. Et quant à l'idée d'une positivité du noir, il y a quand même une tête, vraiment, au premier père de l'Église, j'ai oublié, il y en a un en particulier, mais je l'ai oublié, tout ce qui est de. Il y a une positivité du. Pratiquement pas visible, mais c'est une tradition tout à fait marginale dans une. C'est ça, une philosophie qui, au contraire, oui, c'est de la lumière. Il y a aussi la théologie négative. Qu'est-ce que ça fait à un metteur en scène de passer du temps à se sentir quand même dépossédé? D'abord, on n'a plus la main sur ce que les acteurs vont dire, enfin, je suppose. C'est-à-dire, c'est plus des acteurs. Oui, les acteurs, ils n'obéissent plus du tout au metteur en scène qui se met pour. Physiquement, mais la voix n'est plus du tout dans la main du metteur en scène. Oui, mais de toute façon. En tout cas, moi, le grand plaisir que j'ai fait en acteur, c'est qu'on essaie de rire. En tout cas, de mieux la connaître. Et voilà, de toute façon, je trouve que bon, le mouvement du théâtre, je pense quand même qu'on va vers ce qu'on ne sait pas. Enfin, je veux dire, on ne sait rien d'une œuvre quand on démarre. Enfin, moi, je ne sais pas grand-chose, en tout cas. Mais c'est des choses qui se résolvent. Mais on va faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Et finalement, on en sait un tout petit peu plus après. En tout cas, le travail qu'on peut faire, je trouve, c'est d'arriver à saisir la langue, pour arriver à la faire entendre, et que quelqu'un, finalement, la connaisse un peu plus que nous-mêmes, enfin, de quelque autre manière. Alors, je trouve qu'à l'opéra, y a une chose qui est extraordinaire, c'est que. Il faut suivre et notre allié absolu réellement. Alors je trouve qu'il y a, j'y vois pas une frustration parce que je trouve qu'on a tant à faire pour écouter la musique que forcément c'est ce qui nous amène, c'est ce qui nous amène le corps, et comme la langue au théâtre amène le corps aussi. Je veux dire, si je reprends les mots, je pense à ce que raconte Jouvet de manière merveilleuse sur l'acrobate, l'acrobate chez Marivaux, où il dit bien que c'est à la fois une langue totalement abstraite et en même temps une langue qui tape du pied comme les acteurs de la comédie italienne, donc qui est écartée entre ces deux choses-là. Et je trouve que là, le plaisir, déjà, c'est d'essayer de découvrir la musique résonne dans le corps des chanteurs et voir comment on peut la faire résonner, en tout cas avec son corps. Inventive aussi, forte, parce que maintenant on a la chance d'avoir des chanteurs, des acteurs. Qu'avant, moi, j'ai regardé l'autre jour le Positive Tour de Haneke, là, à Madrid, éclaté devant les actes, devant les inouïs, enfin, c'est un truc de théâtre inouï. Ce qui est plus marrant, c'est qu'en chef arrive, parce que les acteurs ne vous regardent plus, les chanteurs ne vous regardent plus du tout, de toute façon, de déposséder une deuxième fois. et ils oublient qu'il y a un metteur en finalement, c'est notre dramaturgie sous contrainte, donc il faut trouver d'autres éléments symboliques. C'est très agréable de vivre sous contrainte. Mais quand c'est très agréable de vivre sous contrainte avec Beckett, par exemple, mm-hmm. au théâtre, je trouve que déjà, par exemple, les bourgeois ne pas se poser de problème, quand c'est quand même un problème crucial. Si je prends la tragédie française, par exemple, en Romain, quand on a des réunions, c'est une phrase. Le problème des entrées et des sorties, quand même un problème crucial. Enfin, je trouve qu'au théâtre, moi, je passe mon temps à me demander ce que c'est que comment on est pour le personnel, enfin, je veux dire, on peut y travailler pendant des heures hein, sur les entrées et les sorties. Mais là, si on est tellement tranquille déjà avec ça, ouf, déjà un problème de la vue, c'est que ça n'existe pas. Willy fait des entrées et des sorties. Comment Willy fait des entrées et des sorties, tout de même. Il ne fait qu'une entrée, des apparitions. Des tout de Willy, ouais. Des morceaux de Willy. C'est qu'une entrée. Isabelle ne trouvait pas très bien dans mon spectacle. Merci mille fois. Merci. À tous les deux. Merci.